votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à mon Facebook. J'irai pas. J'irai pas à mon colonie de vacances. J'irai pas. Bonjour et bienvenue dans l'émission antimilitariste J'irai pas. Une émission antimilitariste sur Radio Dio 89.5 FM tous les premiers mercredis du mois à 17h. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2024, il est 17h07. Demain, ce sera l'anniversaire de la grève des passementiers du 4 janvier 1900 qui a secoué Saint-Étienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on commence cette émission en vous donnant des nouvelles d'une personne dont on avait déjà parlé. Alexandra Skochilenko était emprisonnée en Russie depuis mars 2022 pour avoir remplacé 5 étiquettes de prix dans un magasin par des petites étiquettes qui, elles, critiquaient la guerre. Après un an et demi de détention provisoire, son procès a eu lieu mi-novembre et elle a pris 7 ans de prison. Sur le site obsarm.info, dans la rubrique résistance à la guerre, on peut lire des extraits de sa déclaration au tribunal. Ce sont des extraits doublement traduits, en anglais puis en français, donc ils sont probablement pas hyper fidèles, et il y a certains passages qui en français peuvent avoir une connotation douteuse, mais je vais les lire quand même en rappelant le contexte. Il s'agit des mots doublement traduits d'une personne qui est en tôle depuis un an et demi pour avoir exprimé son désaccord avec la guerre en Ukraine. Alors, mon affaire est tellement bizarre et ridicule. Donc ça, c'est une déclaration qu'elle a faite au tribunal pendant son procès, où elle a été condamnée à 7 ans de tôle. Mon affaire est tellement bizarre et ridicule qu'elle a été initiée le 1er avril. Mon cas est si bizarre et ridicule que parfois je m'attends à entrer dans la salle d'audience pour être accueilli par des confettis et des cris. Mon cas est tellement bizarre et ridicule que même les employés du centre de détention numéro 5 s'étonnent et s'exclament. Est-ce qu'ils mettent vraiment les gens en prison pour ça maintenant? Même certains partisans de l'opération militaire spéciale que j'ai rencontrés ne croient pas que je mérite d'être mise derrière les barreaux pour ce que j'ai fait. Mon enquêteur a démissionné avant la conclusion de mon affaire. Il a confié à mon avocat « Je ne suis pas venu travailler pour la commission d'enquête pour poursuivre des affaires comme celle de Sacha Skochilenko. » Il abandonne une affaire qui l'aurait propulsé vers une belle carrière, une affaire qui lui avait déjà valu une promotion. Il a quitté le comité d'enquête pour travailler dans un magasin de surplus militaire. Je respecte énormément sa décision et je pense que lui et moi sommes très semblables. Nous avons tous deux agi selon notre conscience. Grâce à mes enquêteurs et procureurs, les informations que j'ai diffusées ont atteint des milliers de personnes en Russie et dans le monde entier. Si je n'avais pas été arrêté, cela n'aurait été connu que d'une grand-mère, donc la personne qui l'a dénoncé, d'une caissière et d'un agent de sécurité du magasin Perekrestok. La procureure de la République a déclaré à plusieurs reprises que mes actions étaient extrêmement dangereuses pour la société et l'État. À quel point la confiance de la procureure dans notre État et notre société doit-elle être fragile si elle pense que notre État et notre sécurité publique peuvent être détruits par 5 petits bouts de papier? Donc elle avait mis 5 petits bouts de papier qui critiquaient la guerre à la place des prix dans un supermarché qui s'appelait Perekrestok. Alors un autre extrait de sa déclaration au tribunal. « Je suis pacifiste. Les pacifistes ont toujours existé. C'est un certain credo de ceux qui accordent la plus grande valeur à la vie. Nous pensons que chaque conflit peut être résolu de manière pacifique. Je ne peux pas supporter de tuer, ne serait-ce qu'une araignée, effrayée à l'idée même de prendre une vie. Les guerres sont menées par des guerriers, mais la paix est apportée par des pacifistes. Emprisonner des pacifistes ne fait que retarder l'avènement de la paix tant attendue. Oui, je pense que la vie est sacrée. Ah oui, la vie. Supprimer les fantaisies du monde comme l'argent, le pouvoir, la gloire et le statut social, et tout ce qui reste, c'est la vie. Ah oui, la vie. C'est persistant, tenace, émouvant, incroyable, puissant. Elle est originaire de la Terre et à ce jour, nous n'avons rien trouvé de comparable, même dans l'immensité de l'espace. Elle peut se frayer un chemin à travers le trottoir, briser des pierres, passer d'une petite pousse à un énorme baobab. Elle prospère sur le sommet des montagnes, se cache dans la fosse des Mariannes, perdure dans les glaces arctiques et les déserts brûlants. Pourtant, nous oublions souvent que nous sommes vivants comme si nous étions immortels. En vérité, la vie humaine est éphémère. C'est insignifiant, court. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prolonger un bref moment de bonheur. Aujourd'hui, nous perdons des jeunes, encore la mort, encore le chagrin, encore la douleur. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi la guerre. Et s'adressant à la procureure de la République en Russie, elle lui dit ça. « Je ne vous en veux pas. Vous recherchez votre carrière, un avenir stable pour subvenir aux besoins de votre famille, pour la nourrir et garder un toit au-dessus de sa tête, pour subvenir aux besoins de votre avenir ou de vos enfants déjà nés. Mais qu'allez-vous leur dire ?» À propos de la façon dont vous avez emprisonné une femme gravement malade pour 5 morceaux de papier. Non, bien entendu, vous parlerez d'autres cas. Peut-être vous consolez-vous en pensant que vous faites simplement votre travail. Mais que ferez-vous lorsque le pendule basculera dans l'autre sens? Vous trouverez peut-être cela étrange, mais je sympathise avec vous. Voilà, donc ça c'était, je pense, le 16 novembre. 2023, et du coup l'issue de ce procès, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'issue de ce procès c'est une condamnation à 7 ans de prison pour avoir déstabilisé l'État et la sécurité publique, avec 5 petits bouts de papier. Voilà pour des nouvelles de Alexandra Skotchilenko dont on vous a parlé dans plusieurs émissions. Alors, et d'ailleurs, sur le site obsarm.info, dans la thématique résistance aux guerres, on peut lire plusieurs autres choses. On peut lire, par exemple, donc c'est des longs articles qui ont été recensés par Guy Dechesne sur le qu'on avait invité à une émission précédente. Et voilà, il documente énormément de choses en se basant sur des médias étrangers. En les traduisant, je pense, avec des outils informatiques. Et par exemple, il nous dit que apparemment le 19 décembre, sur l'insistance de l'état-major ukrainien, le président Zelensky a évoqué la mobilisation de 450 à 500 000 recrues. Donc il manque d'armes, mais il manque aussi de chair à canon. Et du coup, il est toujours interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays ukrainien. Et du coup, ça, y a pas mal de monde. Je crois qu'on en a 20 000 personnes qui ont essayé de fuir l'Ukraine pour ne pas être engagées dans la guerre. Et du coup, il y a pas mal de monde qui essaye de refuser ce recrutement. mais il y a aussi des raids militaires dans des lieux publics qui essayent d'engager des recrues ou qui même les forcent à s'engager, quoi. Donc ça, c'est aussi un petit bout de tout le travail que peut faire Guy sur le site obsarm.info. On peut y lire énormément de choses. Je vous invite à regarder ce site. Alors, pour revenir à Alexandra Skochilenko, elle dit qu'elle est pacifiste. Dans son cas, c'est parfaitement louable. Et puis, je vous l'ai dit, il s'agit d'une double traduction. Donc, je sais pas comment les sites internet ont décidé de traduire la véritable déclaration. Mais ben justement, avec Guy, on avait déjà évoqué la distinction qu'on pouvait faire entre pacifisme et antimilitarisme. Et alors, pour illustrer cette distinction, je vais faire une micro-parenthèse historique. Il y en aura deux. Je ne vous ai pas décrit l'émission. Il y aura deux micro-parenthèses historiques. Et après, je rediffuserai un enregistrement dont je vous parlerai un peu plus tard. Première micro-parenthèse historique pour parler de cette distinction entre pacifisme et antimilitarisme. On le voit dans le cas, par exemple, d'un monsieur que l'on nommera Monsieur Albert, de son prénom. Militant socialiste, proche de Jaurès, et pacifiste. Donc Jaurès qui aurait dit le capitalisme amène la guerre comme l'orage amène les nuées, ou l'inverse. Alors, Monsieur Albert, socialiste et pacifiste, il a, pendant la guerre de 14-18, été assez sensible à la cause ouvrière, en créant par exemple le comité du travail féminin qui protégeait un minimum les ouvrières, ou en imposant par exemple l'arbitrage ou les conventions tripartites entre patrons, délégués syndicaux et délégués ouvriers et l'État dans les usines d'armement. Ce monsieur Albert, socialiste et pacifiste un temps, a été sous-secrétaire, puis ministre à l'armement, et son slogan, des obus, des munitions, toujours plus d'obus, toujours plus de munitions. C'est un peu étrange pour quelqu'un de pacifiste. Ah pardon, je me suis trompé, son slogan c'était des canons, des munitions, toujours plus de canons et de munitions. Et il a fait pas mal de déplacements, ce monsieur Albert, dans la région stéphanoise. On l'a vu à Saint-Chamond exhorter les ouvrières à travailler. Et une autre exhortation, alors là c'était où? Je ne sais pas où c'était, mais une citation de ce monsieur Albert que vous commencez peut-être à reconnaître. « La victoire plane là au-dessus de nous, dans la fumée qui remplit cette vallée. C'est sur vous, camarades, que nous comptons pour la saisir. C'est votre tâche de travailler jusqu'à en tomber, jusqu'à la mort. » Voilà, ce monsieur Albert, dont vous avez deviné le nom, avec son slogan, son nom de famille, c'était Thomas. Voilà, Albert Thomas, du coup, ministre de l'armement pendant la guerre de 14-18, qui était pacifiste et qui voulait une paix durable qui reposerait sur la victoire contre le militarisme allemand. Donc, pour la paix, il a fallu 4 ans de guerre. Voilà où peuvent mener certaines contradictions. Ou alors, peut-être, voilà une première distinction entre le pacifisme et l'antimilitarisme. Allez, pour continuer dans la lancée, on vous passe une petite chanson des hippies terroristes. Dans l'histoire de Jean-Michel, 68 ans, l'ancien rebelle, bien vite passé, tes camarades, à l'autre côté, la barricade, fidèle à ses convictions, il a trouvé une profession, où il lutte contre l'injustice, il est entré dans la police, afin de défendre la France, et les orphelins. Et pour parfaire la cohérence, il a pris sa carte au PS. Car Jean-Michel dit Michou, de profession SRS. SS. Mais attention, Jean-Michel est de gauche malgré tout, car il est encarté au PS. SS. Jean-Michel a répété qu'il faut faire preuve de réalisme quand il expulse un sans-papier. C'est pour pas qu'il y ait du racisme. Il dit que là, gauche est l'ami de l'entreprise citoyenne. Ben on n'a pas les mêmes amis. Et ta gauche non, mais pas la mienne. Et puis que là, sécurité est un concept qui est de gauche. Qu'il est normal de protéger les riches qui se remplissent les poches. Car Jean-Michel dit Michou, de profession SRS, SS. Mais attention, Jean-Michel est de gauche malgré tout, car il est encarté au PS, SS. Mais pour s'aimer, ceux du PS, la réalité la voici, c'est qu'ils préfèrent poser leurs fesses dans les salons de la bourgeoisie. C'est facile d'être modéré pour boulot réalité. Bah c'est champagne et puis caviar et puis foie gras midi et soir. Mais pour nous la réalité, c'est RMA et CDD. Et tous les soirs, tous les midis, nous premier prix made in Aldi. Alors tant pis si c'est ça la réalité, on n'en veut pas. Et on choisit la barricade, lui a choisi d'être un chien de garde. Car Jean-Michel dit Michou, de profession SRS. SS. Mais attention, Jean-Michel est de gauche malgré tout, car il est encarté au PS. SS. Notre histoire finit tragiquement une manif qui a mal tourné. Oh, c'était pas tellement violent. Contre pavé, Jean-Michel en prit un dans le nez. Et on l'embarque aux urgences dans le but de le transfuser. Et là il n'a pas eu de chance, sans qu'on lui a injecté. N'était vraiment pas très très fiable. Et si tu te sens contaminé, ben que veux-tu, c'est regrettable. Car le ministre de la Santé, un homme de gauche fort respectable, porte la responsabilité. Néanmoins, il n'est pas coupable. Jean-Michel Mou, rue peu après, quelques mois avant la retraite, virus de l'hépatite B. Comme quoi, des fois, la vie est bête. Sur sa tombe, de rose trône parmi les chrysanthèmes, et sur une plaque de marbre rose, quelqu'un inscrit ce poème à la mémoire de notre ami Jean-Michel dit Michou, qui servait sa patrie en tant que CRS. Mais il n'en restait pas moins un homme de gauche avant tout. Comme salaud, à bas, le Parti Socialiste. Vous avez raison, Robert. Il faut prendre ça avec philosophie. Quand on a raté sa vie, hein, on a raté sa vie. Je refuse d'être enrôlé, de participer à une guerre criminelle à Gaza. Je crois qu'un massacre ne résout pas un massacre. La violence ne résout pas la violence. Ce sont des mots déclarés au tribunal qui le jugeait pour son refus du service militaire israélien le 26 décembre par Tal Mitnick. Du coup, un jeune israélien qui devait faire son service militaire, comme toutes les personnes israéliennes. Alors apparemment, c'est 32 mois de service militaire obligatoire pour les hommes et 24 mois pour les femmes. Voilà, et en cas de refus de servir dans l'armée, c'est la prison. Et donc, ce que Tal Mitnick déclarait au tribunal le 26 décembre. avant de faire ces 30 jours de prison. Alors apparemment, 30 jours de prison pour insoumission. Et apparemment, si on ne fait pas le service militaire, on peut prendre 30 jours de prison. Et en sortant de prison, on peut être à nouveau appelé au service militaire. Et si on le refuse, on reprend 30 jours de prison, etc., etc. Alors une autre déclaration... Il expliquait que l'armée de son pays, citation, s'appuie sur l'oppression du peuple palestinien et je refuse de faire partie de cette oppression. Au lieu de cela, je continue à militer en faveur des droits de l'homme. Ou encore, je refuse d'accepter l'idée selon laquelle tuer des civils à Gaza assurerait la sécurité de quiconque. Cela n'apporte la sécurité à personne, ni à la population de Gaza, ni à la population d'Israël. Je crois que la seule voie vers la sécurité et la paix réside dans la coexistence. Donc voilà, un État militariste comme l'État d'Israël fait aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui se mobilisent contre à la fois les exactions militaires de l'État, mais aussi contre le service militaire, quoi. Du coup, là, j'avais vu cet article sur le site qui s'appelle contreattaque.net. Où il y a des images, des photos de jeunes qui brandissent des pancartes contre le service militaire et contre ce qui se passe à Gaza. Et il y en a assez fréquemment des jeunes qui vont en prison parce qu'ils refusent d'intégrer le service militaire. En parlant de militaire, deuxième micro-parenthèse historique, elle se passe en France, elle se passe dans le sud de la France, elle se passe en 1907. En 1907, dans le sud de la France, il y avait ce qu'on a appelé la révolte des gueux ou la révolte des vignerons qui se mobilisait contre les importations de vin et contre le fait qu'on mettait du sucre dans le vin. Et la mobilisation a pris parce que tous les dimanches, enfin c'est la mobilisation qui a donné le fait que tous les dimanches il y avait des rassemblements et des manifestations organisées dans plusieurs villes du sud de la France à partir de mars 1907. Et elles ont jusqu'en juin 1907, et elles ont compté jusqu'à, par exemple, à la manif de Montpellier, le 9 juin 1907, entre 600 et 800 000 personnes. Donc énormément de monde qui prenait part aux mobilisations des viticulteurs. Et ce qui s'est passé, c'est que le 20 juin 1907... là, le mouvement s'est un peu durci, donc il y a eu des manifs un peu tous les dimanches de mars à juin. Et le 20 juin 1907, à Perpignan, la préfecture est pillée et incendiée. Alors, il y avait eu d'autres pillages et incendies de perception, de préfecture, de sous-préfecture, etc. dans le mois de juin. Mais là, le 20 juin... à Perpignan, la préfecture est pillée et tout ça. C'est à Perpignan que la préfecture est pillée. Et à Narbonne, il y a des échauffourées qui font que on va tirer sur la foule. Et ça va faire 5 morts. Et donc ça, c'est à Narbonne. Et pas loin de là, à Béziers, le 17e régiment d'infanterie de ligne... Euh, non, ils sont à Agde. Ils sont, ouais, ils étaient à Béziers, mais ils sont à Agde. Ils apprennent la fusillade. Apparemment, 500 soldats du 17e régiment se mutinent, pillent l'armurerie et prennent la direction à pied, de nuit, la direction de Béziers. Et donc, le 21 juin, ils arrivent en début de matinée à Béziers. Ils sont accueillis chaleureusement par les habitants et fraternisent avec les manifestants, occupent les allées Paul Riquet et s'opposent pacifiquement aux forces armées en place. Parce qu'il faut savoir que Clémenceau avait ordonné une quasi-occupation militaire du sud de la France. Mais là, ce sont des soldats qui vont s'installer crosse en l'air et fraterniser avec les manifestants. Le soir du 20 juin, après, vu qu'ils étaient nombreux et vu qu'il y avait une grande foule avec eux, ils avaient peur de punition à leur égard, d'une sanction qui pourrait leur être infligée. Mais du coup, le rapport de force a fait qu'ils ont pu obtenir la garantie qu'aucune sanction ne leur serait infligée. Et ils ont regagné leur caserne un peu plus tard. Et ils n'ont pas eu de sanction, mais ils ont été mutés en Tunisie, je crois. Ouais, donc bon. C'est pas une sanction, c'est juste qu'ils ont été déplacés en Tunisie. Mais eux ont refusé, par exemple, de tirer sur la foule ou ont pris, solidarité en acte quand ils ont appris que des soldats avaient tiré sur la foule à Narbonne. Donc c'est peut-être un exemple à suivre. Il y a les personnes qui refusent d'intégrer le service militaire parce qu'ils refusent de commettre les exactions que l'État leur dit de commettre. Et il y en a qui sont, alors là c'était il y a plus de 100 ans, mais du coup qui sont conscrits et qui en fait refusent aussi d'agir selon les ordres et fraternisent avec les personnes en révolte, quoi. Voilà, pour la micro-parenthèse historique, on écoute une petite chanson. Alors c'est vrai, copain, tu t'en vas à la guerre. Toi qui as des fleurs au poing, comment tu vas la faire? Sans même une églantine, tu voudrais la gagner. Mais les doigts sans épines, c'est pas pour batailler. Il faudra que tu marches dans un printemps de croix. C'est à grands coups de hache qu'on écharde le bois. Alors c'est vrai, copain, que tu pars à la guerre. Toi qui as des fleurs au poing, comment tu vas la faire? Les jardins où tu pars ont des arbres bizarres, des herbes déchirées, aux roses barbelées. Les bleuets dans tes yeux se faneront là-bas. Tu deviendras si vieux que tu n'y croiras pas. Puisque c'est vrai, copain, que tu pars à la guerre avec tes fleurs au poing, tu pourras pas la faire. La la la la la. On vient d'écouter Les Roses Barbelées par Gribouille, une chanson des années 60. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, l'émission antimilitariste des premiers mercredis du mois. On est le 3 janvier, il est 17h34 et on continue l'émission. Alors je vous avais dit qu'elle était découpée en deux, cette émission, c'est-à-dire que là je faisais une petite revue de presse entrecoupée de micro-parenthèses historiques. Et on va écouter un enregistrement qui date du 18 novembre d'une réunion qui a eu lieu, qui s'est tenue à Paris, une réunion du collectif de collectifs contre le SNU. Et il y a une prise de son par Fréquence Paris Pluriel qui a été rediffusé par Radio Libertaire et que moi j'ai envie de rediffuser parce que ça explique bien ce que sont à la fois le SNU et aussi les différentes mailles que peut utiliser l'armée pour s'introduire à l'intérieur de l'éducation nationale. Mais avant ça, je termine ma revue de presse par deux autres petits articles. Un article de Politis qui nous dit que nous avons, si nous avons des entreprises capables de le faire, nous avons jusqu'au 16 janvier 2024 pour envoyer notre offre à, au tout nouveau appel d'offres qui a été publié par l'État pour des lance-grenades dits lance-grenades bitube. Ce serait du coup le ministère de l'Intérieur qui aimerait avoir à peu près 800 nouveaux lanceurs. Il offre 5 millions d'euros pour des... donc on connaissait les LBD, les lanceurs de balles de défense. Là, ce serait des lance-grenades qui pourraient en tirer deux à la fois. Voilà. L'acronyme, ça fait LGBT, mais alors c'est pas du tout la même chose que ce que ça désigne habituellement. Donc ça désigne lance-grenade bitube ou lance-grenade double canon, en fait. Voilà un nouvel appel d'offres. Et on saura quelle entreprise a emporté cet appel d'offres le 16 janvier 2024. Je suis bien curieux de savoir qui ce sera, à savoir que les derniers appels d'offres avaient récompensé par exemple l'entreprise Alcetex ou l'entreprise Rivolier qui elle est dans la Loire, voilà, qui leur avait fourni des grenades par exemple. Donc ça c'est un article de Politis qui est daté de décembre, du 11 décembre. Et enfin, dernière info, le 21 décembre, Laurent Wauquiez a inauguré, si on peut dire, les nouveaux uniformes qui, pour 1 million d'euros, pourront être offerts aux lycéens et lycéennes de 5 établissements test. Vous savez, pour le SNU, on parle de département test ou on parle d'expérimentation. Ben là, c'est un peu pareil avec Wauquiez et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il veut expérimenter le port de l'uniforme dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, il y aura 5 lycées, on ne sait pas encore lesquels, qui pourront, dès la rentrée 2024, offrir à leurs élèves ces magnifiques uniformes bleu marine avec le logo de l'État, le logo de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le nom de leur établissement. Voilà, donc c'est encore un pas de plus vers l'uniformisation ou la militarisation des jeunes. Voilà, des magnifiques uniformes qui ressemblent aux tenues de la police. Quoi souhaiter de mieux pour la prochaine rentrée 2024 ? Alors, je crois que dans l'article qui est sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être que je peux vous lire un tweet. Un petit tweet de Wauquiez. Ces uniformes permettront à nos élèves de porter la fierté de leur établissement. Et nous avons voulu y ajouter deux messages supplémentaires. Deux points. Ces uniformes, intégralement financés par la région, permettront de rendre du pouvoir d'achat aux parents et fabriqués intégralement en Auvergne-Rhône-Alpes, ils participeront à réduire le bilan carbone lié à nos importations. Voilà, bravo. Des uniformes qui réduisent le bilan carbone. C'est une idée splendide de notre chef de notre région, Laurent Wauquiez. Et ben voilà pour cette petite revue de presse. Je vais passer l'enregistrement de FPP juste après une autre petite chanson. Une chanson de Active Member. Il s'appelle Guantanamo. με. Παράδερφε μου, μην κάνεις κάτι. Το έχω ακτή να περάσω από το σειρματίνο φράχτη και τον ήλιο. Να θάμπωσω για λίγο, να μην με σπάρουν. Χαμπάρι όσο θα ανοίγω και θα πνίγω στις γης. Τα ρήματα τα πιο μόρφα κλίματα ζωής. Θελήματα της φτωχιάς γεννήματα. Μόνα κρύβα βήματα και δίπλα στα θύματα. Η παρέα μου κύχνει, αφήνει και παρήματα. Πάμε. Noi non vogliamo Bush, il figlio di papà. Non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Noi prenderemo il sole e la libertà. Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà. Τρομάξτε τους ήδη φοβισμένους δεσμότες με λόγια. Κινούνται σκιατσαλίνες, πόρτες ραγίζουν. Κι τα μηνύτα ουράνια αγγίζουν. Δυο πυρήνα μάτια και πύργους γκρεμίζουν. Πάμε. A Guantanamo in gabbia c'è anche gente innocente. Gente presa a caso che non c'entra niente. Dove sono i processi, le prove, i diritti? Noi non stiamo zitti. Non stiamo zitti. Falso, falso, falso. Falso grande capo. Sei un capo solo col fucile puntato. Non ti rispetta più nessuno ormai nel mondo. Guantanamo e la guerra non nascondono il tramonto. Noi non vogliamo Bush. Faraoni, predatori, petrolieri ricoperti di rubini e ori. Noi non vogliamo Bush che coltiva il terrore. Ultima spiaggia e speranza per restare al potere. Yo, schiacciati in fondo al mondo come sardine pure ancora. Vedi che l'umanità combatte e vive. Questo canto vola oltre oceani e colline dove un nuovo mondo sorge. Per voi c'è scritto fine. Let's wander, let's fly, let's find us in Guantanamo and free the fire. Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά. Let's wander. How can we free the prisoners of war from indefinite detention down in Cuba? Feel sorry for the innocent ones who suffer, so we dedicate this one to all world leaders. If you live in a glass house, don't throw stones. What gives you the right to invade people's homes? Terrorism is something that we can't condone. So there's more than one reason why the towers came down. Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά. Vamos a hacer lo imposible por una vez más, como en vieja saga, con un tripulación puro, la roja armada que viene de los cinco horizontes del mundo. Yuraga rodeada de agua y encima las barreras heredan las historias. Nosotros que en alas de varos y las palabras amos, libertaremos el fuego en Guantanamo. Je repense aux images des prisons de Guantanamo, des hommes dans des cages traités comme des animaux. En détention, loin de Genève et ses conventions, certains sont innocents de toutes ces accusations. Faire subir aux autres ce qu'on n'aime pas subir, c'est comme ça qu'ils poussent ces terroristes à réagir. Je dis attention, car je sens monter la tension. Ces provocations auront de graves répercussions. Nos dirigeants passent leur temps à semer le vent, et quand vient la tempête, les tours tombent en miettes. Mais qui ramasse les pots cassés, c'est malheureusement nous, toujours nous, encore nous les innocents. Πάμε, φώναξε σ' όλους πως πάμε. Μιλάμε, αγαπάμε, νιώθουμε και τα δεσμά τους σπάματα. Μονούμε και σ' άλλη γλώσσα μιλάμε. Στον ήρου την άκρη περνάμε. Noi non vogliamo Bush, il figlio di papà. Non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Noi prenderemo il sole e la libertà. Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà. Non stiamo zitti, non stiamo zitti. Noi non vogliamo Bush. Noi non vogliamo Bush. Let's wander, let's fly, let's find us in Guantanamo and free the fire. Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά. Vamos como un pájaro del fuego en Guantanamo. Libertaremos el fuego. Des oiseaux volent vers les terres de Guantanamo, ville de l'enfer. Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά. Let's wander, let's fly, let's find us in Guantanamo and free the fire. Thank you. C'était la chanson Pamé de Active Member sur Radio Duo 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste des premiers mercredis du mois. Et donc, comme je vous l'avais dit, je vous passe l'enregistrement rediffusé par Radio Libertaire d'une réunion qui a eu lieu le 18 novembre à Paris du collectif de collectifs contre le SNU. Je le passe maintenant. Citoyenneté, écologie, résilience, émancipation, égalité des chances, liberté, jeunesse, valeurs républicaines, développement durable, fraternité, unité nationale, cohésion universelle. C'était les mots-clés d'Emmanuel Macron pour de vendre le SNU. Bonjour, alors moi j'ai pour première mission de rappeler les trois phases qui constituent le SNU, puisqu'on pense ce qui est mis en avant par la propagande gouvernementale, c'est le séjour de cohésion de 12 jours. Mais en fait, il y a trois périodes à réaliser en tout, si on va aller au bout du dispositif. Donc la première étape, c'est le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, il y a une mission d'intérêt général qui représente 84 heures. Et ces deux premières phases sont obligatoires si on veut valider le SNU. La troisième phase est facultative. Elle s'intitule « Période d'engagement ». Elle peut durer de 3 mois à 1 an. Elle concerne des jeunes de 16 à 25 ans. Alors, pour petit rappel, le séjour de cohésion, c'est 12 jours où sont présents éventuellement des enseignants pendant 3 jours maximum. Mais sinon, l'encadrement est essentiellement militaire. Ou, quand il n'y a pas de militaire, les associations d'éducation qui ont bien voulu organiser. Il y a un uniforme, il y a la levée des couleurs, il y a la Marseillaise. Et il y a un encadrement pour bien redresser les jeunes. On précise que les jeunes qui sont inscrits au SNU deviennent des réservistes, et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Pardon. Et le général Menaouine, qui avait conçu le dispositif, a bien précisé que c'est pas ces jours de solidarité sont des produits d'appel pour attirer. Mais en fait, si le jeune ne sait pas trop où aller, on va très vite lui conseiller les corps en uniforme pour faire sa mission d'intérêt général, donc tout ce qui est gendarmerie, armée et compagnie. Et si on a fait tout cela, pour l'instant c'est pas très clair, mais il est promis une valorisation sur Parcoursup, la plateforme qui oriente vers le supérieur. Ce n'est pas encore bien défini, mais on sent qu'il va y avoir un bonus ou voilà. Donc le jeune qui n'a pas fait son SNU se verra privé de ce petit bonbon. Et puis toute une série de petits bonus aussi existent pour passer le BAFA, pour passer son permis de conduire. Récemment, ils sont sortis des réductions sur le train. Voilà, plein de petits bonus qui attirent aussi. Si on ne veut pas se contenter de phases obligatoires, on fait cette troisième phase facultative entre 16 et 25 ans. Et là, c'est vraiment de préférence dans un corps en uniforme. Voilà, là, ça veut dire qu'on est vraiment lancé dans l'aspect militaire. Moi, je vais vous parler des deux derniers dispositifs pensés par l'Éducation nationale pour attirer les jeunes faire le SNU. Parce qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, le SNU était un dispositif facultatif où des jeunes s'inscrivaient ou essentiellement ne s'inscrivaient pas. Il y avait deux problèmes. Premièrement, c'est que les places n'étaient pas du tout pourvues parce que personne ne voulait faire ce truc-là. Et que 40% des volontaires étaient des fils de militaires ou de flics. Bon, c'était pas exactement le projet. Et qu'il n'y avait que 2% des classes populaires, c'est-à-dire deux fois moins que dans la population française. Donc comme le SNU, a priori, ça vise plutôt les pauvres parce que le but, c'est préparer la guerre. Le dispositif ne touchait pas la cible a priori. Donc la question, ça va être comment forcer les jeunes à faire ce truc, alors que c'est un peu compliqué de les forcer parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, donc c'est des jeunes mineurs, qu'on peut difficilement soustraire à l'autorité parentale, et le stage de cohésion du SNU, là où on chante la Marseillaise, c'est-à-dire du matin, on rentre dans la boucle, tout ça, ben ils dorment plus à la maison, ils sont dans des camps là, avec des gens qui les encadrent, donc les parents pouvaient toujours bloquer. Comment forcer les jeunes à faire ce truc-là sans les forcer, parce que c'est compliqué de les forcer. Donc le premier dispositif qui a été pensé, qui date du 29 juin 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit là, c'est sur le dispositif classe engagée. Ça, c'était un coup de génie, c'était qu'au lieu de rendre les élèves volontaires, c'est que les profs soient volontaires pour rendre leurs élèves volontaires. C'est-à-dire qu'un prof peut inscrire ça ou ses classes de seconde générale et technologique ou de seconde CAP comme classe engagée. Si la classe a le label classe engagée, ça donne 1 000 euros pour l'établissement par classe. L'occasion de vous prendre un peu d'argent, parce qu'on est quand même très pauvre dans l'établissement scolaire. Moi, je viens du 93, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Les budgets ont été réduits pour l'année dernière de manière hyper brutale. Donc, aller taper 1 000 euros à droite, 1 000 euros à gauche, ça permet de mettre, d'avoir des stylos. Ça permet d'avoir des stylos, essentiellement, déjà. Donc, tu as 1 000 euros par classe. Il y a 1 250 euros pour le prof qui organise ça, le pacte, une part fonctionnelle, donc une indemnité de 1 250 euros pour envoyer les enfants préparer la guerre. Et en échange, la classe de seconde va aller faire le SNU, donc le stage de cohésion de 15 jours, pendant le temps scolaire, et le prof reste chez lui. Donc c'est quand même une opération où on est payé, on a de l'argent pour l'établissement, et en plus, 15 jours de vacances. Il faut être un peu solide pour résister à ce genre de sirène. Si on ajoute à ça le bonus sur Parcoursup, qu'on ne sait pas, hein, parce que essentiellement Parcoursup, la nouveauté de Parcoursup, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc toutes les trafics sont possibles, mais on sait que l'engagement, militaire en tout cas, sera valorisé. Le problème, c'est que ce montage demande la collaboration des enseignants. Enfin, il y a quand même plein d'établissements où s'il y a un collègue qui fait ça, ça va être compliqué pour la machine à café. Et en plus, le conseil d'administration doit voter pour. Il suffit de bloquer, c'est pas très très compliqué. Donc il y a quand même des failles et des possibilités de résister. Donc il y a le nouveau plan de Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui était par ailleurs le responsable du SNU précédemment, c'est une coïncidence probablement, qui a lancé la reconquête du mois de juin. En général, quand il y a reconquête dans le titre, c'est pas bon signe, hein. Il y a eu les quartiers de reconquête républicaine, le parti reconquête. Même si on dit en espagnol, c'est pas du tout bon signe. Donc la reconquête du mois de juin, c'était essentiellement parce que le bac était en mars, donc les élèves venaient plus au mois de juin. Donc en fait, ils ont créé un trou et maintenant ils essaient de le combler. Attal l'a annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, mais le projet de loi est tombé hier et sera au bulletin officiel probablement jeudi prochain. C'est que tous les élèves de seconde doivent faire 2 semaines de stage en entreprise, obligatoire. Et s'ils ne trouvent pas stage en entreprise, ils doivent faire le SNU. Ce qui rend le SNU pas obligatoire, mais le stage en entreprise, lui, est obligatoire. Donc c'est une façon de rendre le SNU obligatoire. D'autant que les stages d'entreprise, on sait très bien ce que c'est. Hein. On va chez papa, maman, tonton, tata. Mais quand on n'a pas papa, maman, tonton, tata qui a la capacité d'offrir un stage d'entreprise, eh ben on va faire le bidas. Donc ce qui permet de faire un montage qui rend obligatoire pour les pauvres, les fiches de chômeurs, les gens qui n'ont pas de réseau, rend obligatoire le SNU. Ce qui est assez pratique pour le gouvernement, ceux qui vont servir de char à canon sont les bonnes personnes. Le contexte plus général du développement du SNU, parce que malgré tout, il y a une accélération délirante du SNU cette année. Le machin date de 2017, ça a barboté pendant quasiment 5 ans, avec, comme j'ai dit, des fils de bidas qui jouaient à la guerre pendant 2 semaines, c'était très sympa. Il faut voir le contexte général. La loi de progression militaire pour l'exercice 2023-2030 sur 7 ans est de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros, je ne sais pas, ça correspond à peu près au PIB de la Belgique. Voilà, 2000 milliards, c'est le PIB de la France, donc à peu près un quart de la France, dédié aux armées, sur 7 ans. Le budget pour 2023, c'est 45 milliards d'euros. L'éducation nationale, c'est 59. D'ici à 2050, il faut que le budget de l'armée, selon les prises de parole, soit entre 50 et 80 milliards d'euros. Entre 50 et 80 milliards d'euros, ça veut dire que le budget de l'armée sera très supérieur à celui de l'éducation nationale. Le seul budget qui a les moyens de lâcher un peu de thunes, qui a de l'argent, en France, c'est l'éducation nationale. On est un énorme corps, on est 1,2 million de fonctionnaires, on s'occupe de plusieurs millions d'enfants. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc il fallait bien pas falloir payer ça. Donc on va payer ça avec le budget de l'éducation nationale. On a constaté, et avec ce qu'on a développé là, c'est que le SNU s'infiltre partout, qu'il est assez séduisant, et parce qu'on ne voit pas forcément que c'est militaire. C'est un élève qui m'a fait la réflexion. Il ne comprenait pas pourquoi je m'opposais, parce qu'il n'a pas vu de militaire au séjour de cohésion. Mais en fait, tout se déploie lentement, et le but, c'est de rendre soit la guerre désirable, soit d'oublier que si on va à l'armée, c'est pour faire la guerre et pour porter des armes. Eh bien, merci. Donc, bonjour. Donc, voilà la cartographie des liens armées-jeunesse. En faisant le travail sur le SNU et en cherchant les aspects militaires du SNU, puisqu'ils essayent de gommer cet aspect, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le SNU, loin de là. D'ailleurs, vous voyez la place qu'il occupe. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui unissaient donc l'armée à la jeunesse. Et il nous a semblé important de donner corps à ça et de le montrer. Donc on a choisi cette forme-là. Là où le SNU vise une classe d'âge, comme ça a été dit, les liens armée-jeunesse, ils s'implantent de l'école jusqu'à l'université, à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'extérieur, et pour les jeunes hors parcours scolaire. C'est d'ailleurs ce qui est visé par l'armée. Ils veulent les jeunes en décrochage, ils veulent les jeunes qui ont des difficultés, ça les intéresse beaucoup. Un point sur la légende, ce que vous voyez en rose, ce sont des personnes qui ont des fonctions de lobbyistes, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions, par exemple, à l'éducation nationale, mais ils abusent de leurs fonctions parce que, par ailleurs, ils sont officiers de réserve, ils ont des accointances, en tout cas, ils ont à cœur de porter l'esprit de défense. Donc voilà. En orange, ce sont des structures qui ont été créées pour faire du lien armée-jeunesse, typiquement le SNU. Et puis il y a des structures donc en jaune qui sont des structures infiltrées par l'armée mais qui à la base n'ont absolument rien à voir avec l'armée. Et en rouge, ce sont des structures ou des dispositifs qui sont purement militaires et faits par des militaires. Tout ce qui est sur la carte est en lien avec le ministère des armées. Il faut savoir qu'on n'a pas personnifié le ministère des armées. Le ministère des armées, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en tenue camouflage, hein, on s'est embêté à faire cette peinture voilà, merveilleuse, parce qu'en fait, il y a tout ça donc, qui est en lien avec le ministère des armées. C'est une carte V1, donc première version, parce que c'est loin d'être exhaustif. Jusqu'à hier, on trouvait encore des liens, des choses, des dispositifs. Ils en ont, mais à foison. Donc l'idée, c'est que d'autres s'emparent de cette carte et qu'on voit comment on peut la transposer, comment on peut la faire vivre et la faire évoluer. En 1996, lorsque Jacques Chirac annonce la professionnalisation de l'armée, on est nombreuses à espérer la fin du service militaire obligatoire, mais ça n'est pas le cas. En fait, la loi de 1997 ne va faire que suspendre ce service militaire obligatoire, et la loi permet explicitement son rétablissement, soit pour des raisons militaires, soit seulement sur des objectifs assignés aux armées. En fait, la loi de 1997, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les obligations militaires. Elle les transforme sur quelque chose qui va devenir institutionnellement une obligation qui a l'air plus ou moins d'être, on va dire, plus cool en apparence. Le parcours de citoyenneté. Le parcours de citoyenneté comporte trois aspects. Il comporte, d'une part, le recensement obligatoire en mairie, d'autre part, la journée de citoyenneté obligatoire pour tous les jeunes, et enfin, l'enseignement de défense. L'enseignement de défense, ça a l'air comme ça de mêler deux choses qui nous choquent, c'est-à-dire, en gros, l'éducation et l'armée. Je pense qu'il faut prêter une petite attention à la sémantique de cette formule. C'est bien l'enseignement de défense. C'est-à-dire que, formulé comme ça, il s'agit d'un enseignement qui est en soi une activité militaire. Du coup, comment ils vont faire pour vaincre les résistances au lien entre l'armée et la jeunesse? La première idée qui leur vient, elle est simple et brutale, comme l'armée, à savoir, on prend un recteur ou une rectrice d'académie, et avec évidemment tous ses subordonnés, ce qui fait du monde, et un général ou une générale des armées, et on leur dit, vous bossez ensemble. Mis comme ça, c'est une version qui risque de susciter trop de réactions. Du coup, c'est là qu'ils font intervenir une nouvelle entité qui va avoir comme effet d'essayer de passer un peu plus discrètement. En fait, ils vont faire intervenir des intellectuels, ce qui est plus présentable, dans un institut, qui est plus présentable aussi, l'IHEDN, l'IHEDN, l'Institut des hautes études en défense nationale. C'est fait d'universitaires, de sommités intellectuelles qui ont beaucoup de moyens et qui vont faire des formations et des débats auprès de plein de personnes qui sont civiles, beaucoup plus présentables. Ça passe mieux avec des civils qu'avec des uniformes, mais ça fait quand même passer les idées. Et en fait, cette IHEDN forme plein de gens qui vont donc devenir des auditeurs de l'IHEDN. Et ensuite, ils continuent de structurer. Ils font une association nationale et des associations départementales des auditeurs de l'IHEDN. Et c'est le point clé. Ce point clé, ça permet de former des gens à l'idéologie militaire, tout en étant sous la coupe à la fois d'un recteur d'académie et d'un général des armées. Et ces trois ensemble, recteur, général, association locale de l'IHEDN, forment les trinômes académiques, qui existent depuis longtemps, qui semblent relativement discrets, mais qui pourtant font une action de fond depuis très longtemps dans le but de défendre et de développer les liens armés. Ces actions, essentiellement, c'est de la formation auprès des personnels, de la formation auprès des élèves, pour que tout le monde accepte les idées de l'armée. La loi de 97 va faire passer l'éducation à la défense, c'est-à-dire plein de points sur l'éducation qui s'immisce à l'intérieur du programme. Et puis, on va avoir, par exemple, les classes de défense et sécurité globale, où, pour donner un exemple, un prof de français qui se dit « mais qu'est-ce que je vais avoir à faire avec ça ?» Ben, il va faire une correspondance épistolaire entre ses élèves de collège ou de lycée et une armée en action. Et autre chose de ce genre-là, les cadets de la défense, qui vont, par exemple, eux, être des partenariats entre plusieurs collèges et lycées d'un même secteur géographique, et qui vont amener des élèves de ces établissements à aller directement dans des unités militaires en manipulant des armes. Moi, je vais vous parler de ce qu'on a appelé mieux connaître la jeunesse. C'est un peu l'obsession de l'armée. Mieux connaître la jeunesse, ça permet de mieux l'infiltrer et d'être au diapason pour aller au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est une quête qu'ils ont depuis très longtemps. Ils ont créé ce qu'on appelle la commission armée jeunesse. Ils vont s'inspirer de structures qui connaissent la jeunesse, puisque la commission armée jeunesse est composée de 101 structures. Elle existe depuis 1955. Il y a 38 associations et mouvements de jeunesse, 8 mouvements étudiants, 11 syndicats. Donc ça laisse assez perplexe. Les noms sont là, on a la liste. C'est assez intéressant et assez édifiant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes de travail tous les mois qui se réunissent. C'est le ministère de l'Armée qui pilote tout ça, puisque la commission armée jeunesse dépend complètement du ministère des Armées. Et donc, ces gens-là, dont des associations très connues, même dans l'éducation populaire, vont travailler sur des groupes de travail, inspirer l'armée pour leur dire « bah voilà, voilà ce qu'aiment bien les jeunes, voilà ce qu'on pourrait faire ». Et ils font des préconisations, et en échange, l'armée leur permet d'aller visiter des sites militaires, de faire des conférences sur l'armée, etc. Donc ça, c'est chaque mois. Et par exemple, il y a un groupe de travail a rendu un rapport là en 2022-2023 qui est « Quelle est la perception de l'engagement militaire chez les jeunes éloignés des enjeux de la défense ? Comment intéresser ces jeunes au sujet de la défense, voire à un engagement dans la défense ?» Et donc, de là, ils ont eu la bonne idée de dire, bah tiens, il y a le SNU, il y a les réseaux sociaux, il y a les commémorations. Donc, le 11 novembre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de jeunes qui ont participé. Ce n'est pas un hasard. C'est un travail de l'armée qui s'est immiscé dans plein de choses pour que ces jeunes fassent ces visites mémorielles et ces commémorations. Pour mieux connaître les jeunes, il faut savoir que le général Menaouin, qui est le premier rapporteur du SNU, avait également lancé une enquête via la JDC, où 45 000 jeunes ont répondu, et via les lycées, à l'intérieur des lycées, le général Menaouin a fait une enquête aussi pour les connaître. Donc 30 000 jeunes ont répondu à cette enquête. Là, je vais vous parler d'un autre exemple. C'est ce qu'on appelle l'ECPAD, Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. Ils ont 15 millions de photos, ils ont des centaines de films, ils ont un fonds d'archives assez extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une enseignante détachée de l'éducation nationale qui pond des projets pédagogiques à l'intérieur de ce truc qui est purement militaire. Cette CPAD, donc, a par exemple, dernièrement, il y a un prof d'histoire qui s'est dit « Moi, j'habite dans une ville, tout ça, il y a eu la guerre, je vais faire un truc. » Donc, il trouve des photos super sur un militaire, tout ça, bon, bref. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris dans ce fond-là. Et qu'est-ce qu'a fait le CPAD derrière? Ils l'ont invité à des séminaires de l'armée, ils ont fait tout un tas de choses. Et un jour, il s'est retrouvé à un séminaire, il a bien compris qu'il y avait beaucoup d'uniformes pour faire ce projet. Et là, il s'est rendu compte, et d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il était pris dans un truc qu'il n'avait même pas imaginé. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui risquent de se retrouver dans des projets comme ça, qui sont en fait faits par des militaires pour toujours infuser l'esprit de défense et travailler là-dessus. Donc ils sont très forts pour ça. Un autre exemple, c'est le prix éco-délégué. Donc il faut savoir que l'écologie, ils ont compris que c'était un grand intérêt pour la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prix éco-délégué, comme ça, ça ne mange pas de pain, on ne voit pas le rapport avec les militaires. Le prix éco-délégué, il s'avère que Coralie Noël, elle est haute fonctionnaire à l'éducation nationale, à l'écologie et à la transition. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais moi, en fait, j'adore l'armée. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation à l'IHEDN. Et j'adore l'esprit de défense. Oh, je fais de l'écologie et de la transition, ça intéresse les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans son prix éco-délégué, elle a rajouté une petite phrase dans les règlements de l'année dernière. Elle a dit « Tous les établissements relevant de la défense peuvent candidater aussi sur ce prix. » Et donc, c'est une façon, en abusant de sa place, d'infuser l'esprit de défense là où elle peut. Et ça, c'est pas visible. C'est-à-dire que c'est des choses, si on va pas scruter dans le règlement, on ne le voit pas. L'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, donc c'est des professeurs de PS, organise notamment le cross départemental, qui a lieu là d'ailleurs dans pas longtemps. Plusieurs départements font des alliances avec des bases militaires. Donc ça se passe sur des bases militaires, c'est encadré par moment par des militaires. Et c'est souvent aussi à l'invitation de colonels et de généraux. Donc ça s'est fait dans plusieurs départements, donc il faut être attentif à ça. Et une dernière chose qui est peu connue, c'est la part collective du pass culture. Le pass culture, on connaît la part individuelle, donc les jeunes qui ont une somme et tout. Il y a la part collective. La part collective, c'est quoi? C'est chaque établissement a une somme allouée pour par jeune. Donc c'est en 20 à 30 euros selon le niveau de classe. Il s'avère que la part collective a été étendue au 6e et 5e pour cette année. L'armée compte sur cette part collective pour organiser des visites mémorielles et des choses sur des bases militaires. Elle l'a déjà fait, elle sait que ça existe. Et en fait, il faut savoir que la DGESCO sait très bien aussi que l'armée se sert de ce dispositif pour payer des sorties et des visites. Donc voilà, et ça c'est typiquement des choses qui ne sont pas prévues pour, mais il faut savoir que c'est accordé pas par imposition des mains, c'est qu'il y a un article dans la part collective du pass culture qui dit que les lieux mémoriels et les lieux de défense sont éligibles à la part collective du pass culture. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est des choses détournées parce qu'il y a ces personnes qui sont souvent des officiers de réserve par ailleurs qui en profitent pour mettre là où ils peuvent de la défense et du militaire. Donc, pour les enseignants et enseignantes présents dans la salle, il faut absolument inscrire les classes à des pièces de théâtre qui n'ont rien à voir avec l'armée pour vider la part collective du pass culture et ne plus financer les événements mémoriels. Petit conseil. Moi, je fais un point sur la formation la formation des enseignantes. L'idée, c'est d'infuser sur le long terme. Et ce qui a été constaté par des spécialistes d'éducation, c'est que le public enseignant est particulièrement rétif à l'introduction de l'idée de défense dans les enseignements et dans l'école. Donc il faut prendre le temps et il faut infuser par plusieurs biais. Alors je vais pas m'attarder, mais présenter quand même Sébastien Jakubowski, qui est le recteur de l'Académie de Lille et qui est un peu une star de conférence pour présenter les façons d'intégrer la défense dans nos enseignements. Je suis enseignante. Et le DGESCO Édouard Geffray, donc DGESCO c'est le bras droit du ministre, le directeur général de l'enseignement scolaire, il a intégré dans le schéma directeur de la formation des enseignants la notion d'éducation à la défense. Donc dans ce schéma directeur, il y a plusieurs entêtes importantes, comme les valeurs de la République, la laïcité bien sûr, liberté des droits fondamentaux et égalité des droits, et s'ajoute à cela, au même niveau, l'éducation à la défense. Dans l'INSPE, hein, l'Institut National des Formations des Professeurs, où œuvre particulièrement donc, le Sébastien Jakubowski, il est dit que la formation à l'enseignement de la défense doit être intégrée dès la formation initiale. Et on peut venir à EducaDef, avec un joli petit arrobase. C'est un site numérique où sont collectées toute une quantité de ressources très bien faites, très accessibles. Donc c'est à la fois pour les enseignants qui vont trouver du matériel pour parler de la défense, mais c'est aussi pour le grand public. Et c'est accessible, c'est joli, c'est sympa, tout est sympa, donc ça donne envie de faire. Aujourd'hui, mon maître, c'est l'État. Le papier est blanc et l'uniforme est bleu. Et je vois rouge, mais je n'ai pas le choix. Ce soir, on m'engage au SNU. Pourtant, je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple jeune qu'en peut plus qu'encore une fois, on ne laisse pas le choix. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, qu'il soit maudit ce SNU. Maudit drapeau, maudite Marseillaise apparemment, on veut que je me taise. J'aimerais tant comprendre l'histoire de cette loi, des gens qui ont porté ça. Décider pour moi, faut croire que ça les jette pas, pourtant jeune ils l'ont été avant moi. Je voudrais pouvoir leur dire que la jeunesse des valeurs elle en a. Elle se bouge, elle gueule, on va pas se mentir, la vérité c'est que vous l'écoutez pas. Ce soir dans les... Et voilà, c'était la rediffusion d'une rediffusion par Radio Libertaire de l'enregistrement par Fréquence Paris Pluriel de cette réunion du 18 novembre contre le SNU que je trouve... écouter l'intégralité de cette rediffusion sur le site de Radio Libertaire à l'émission Les Amis d'Orwell du 1er décembre, il me semble. Voilà. Si vous voulez en écouter plus, je trouvais que cet extrait, déjà, était assez parlant. Et pendant que je passais l'enregistrement, je suis allé voir le site de l'IHEDN, qui est bien flippant, ainsi que le site des Trinômes académiques de l'Académie de Lyon. Pareil, avec tout un truc d'enseignement de la défense, des lieux de mémoire et de commémoration qui servent qui instrumentalisent la jeunesse pour faire passer les valeurs de l'armée dans l'éducation nationale, quoi. Et si vous avez écouté, je pense que c'était l'émission d'octobre, on avait parlé du protocole Ernu-Savary qui date de 82 puis 87. Et qui avait mobilisé pas mal de monde contre. C'était le protocole qui signait déjà les liens entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Défense. Voilà, donc ça, pareil, ça peut être un dossier à étudier vu ce qui nous attend par rapport au SNU. Et on était dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste sur 89.5 sur Radio Dio. Et j'ai un peu dépassé mon temps. Il est 18h14. On est toujours le 3 janvier 2024. Je vais rendre l'antenne parce que à 19h, on va écouter Les Psys en parlent. Et en attendant, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Et je passe cette chanson pour clore le... pour clore la mission. Et puis après, je rends l'antenne. C'est La rue des Lilas, okay. Donc l'original dont on avait entendu la reprise contre le SNU. Meurt la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudit que soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, Lilas, rue des Lilas, la rue des Lilas, Lilas, la rue des Lilas, au matin quand ça passe.